jaloux nous. Si mes enfants priaient Dieu pour tout ça dans ta main. Et priaient Dieu aussi pour ça dans ta main. Oh, oh. Priaient, priaient. Mena yena kuzulu, santa kwana ma. Yewa yena kubiti na bebe ya longo. Hey, oh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, I tell you. sado ayo yo yo swahide kinawe o mielele o kembo o mielele o kembo babini singana china o kembo babini singana china o kembo wapi amando jean jacques yalengos wapi fatilo jean jacques kudeska babini singana china Si nous t'es pendant pour nous t'es parler, coller serré. C'est des âmes là moi raché yo. Là nous dépensé même mon grand pour nous choyer. Fátima, tá bem, amor. Fátima, tá bem, amor. Bakule. Hello, je ne parle. Thank you. Code. Allez, na bino tedi. Allez gala. Ah! Espoir dans Berlin. Ouais, bien, va famille Menesi. Gros bisous, na Jérémy Menesi. Awa, le Benembe. Awa, Nibulu. Awa, Moutawile. Awa, Kakula, Moukane. Awa, Nibulu. Awa, Kakula, Mbalibo. Oh! Anna Komika, Bazin de Kibo, Ferro Kome, Kaluji, na Felande. Eric Kenzo, Gas Kusungana, Herman Kaba, Roger Sunga Motorani Binzae, Leon Sping. Godet Mayenga, oyeza la musique, match zate arbitre kuta bulungani.